là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Ma chance, j'aurai mes droits. Mais papa, et la fierté qu'ici je n'ai pas.